Elena avait crié en avoir mal à la tête lorsqu'elle vit Anastasia disparaître dans un nuage de poussière et de gravier, jusqu'à devenir un petit point gris et rouge flottant dans les airs. C'était de sa faute. Son pied avait glissé sur le bord de la piste. Elle avait senti un pan de sentier se détacher et rouler. Il avait plu abondamment il y a 2 jours, mais Elena ne pouvait strictement rien faire. Alors elle redescendit vers Nan, qui s'époumonait à fondre l'âme. Elle tenta maladroitement de calmer la bête de somme, prit l'allonge et tira, en pure perte, car Nan refusait obstinément d'abandonner Anna, et quand Nan disait non, c'était non. Elena le laissa se calmer tout seul et entreprit de marquer avec des cailloux l'endroit et la direction de la chute. Elle espérait que les gens d'en haut pourraient la pister avec leurs mules et leurs chiens. Ceci fait, elle rejoignit à nouveau Nan et lui offrit de l'eau dans l'espoir de l'amanouer. Enfin, Nan se calma et daigna suivre la mégère. Ils passèrent le col et descendirent le plus rapidement possible vers la vallée encaissée et verdoyante. Elena distinguait déjà les maisonnettes aux toits pentus, sagement alignées sur le versant ensoleillé. Anna se réveilla sans ouvrir les yeux. Elle avait froid et tout son corps lui faisait mal. Lentement, elle bougea un à un tous ses membres endoloris. Sa tête bourdonnait. Elle massa du mieux qu'elle put les muscles raidis et se mit enfin sur son séant. Elle but une longue gorgée d'eau et grignota un bout de carotte. Elle défit, toujours dans le noir, le foulard dont ses cheveux emmêlés et poussiéreux en déchira un morceau qu'elle imbiba d'eau. Elle noua le morceau de tissu frais autour de la cheville blessée, remit sa chaussette par-dessus et y ajouta son autre chaussette. Avec le mouchoir imbibé d'eau, elle tenta de nettoyer ses mains écorchées et avec 2 nouvelles bandes de tissu les en enveloppa. Elle se redressa et alluma enfin le briquet qu'elle avait rangé au sec dans la poche de poitrine. Elle reprit la direction du courant d'air, continuant son périple nocturne. Pour se donner de l'entrain, elle chantonna et s'encouragea. Vas-y, Anna, tu trouveras le bout du chemin. Et Nan t'attend. Ce sera la fête quand tu sortiras du trou. Tu recevras un nouveau foulard, de bonnes chaussures et une nouvelle salopette et peut-être des bonbons. Ragaillardie par tant d'espoir de bonnes choses, Anna accéléra un peu sa marche. Soudainement, le sommet de son crâne vint frotter la paroi du dessus. Elle courba légèrement la tête, puis dut pencher son buste en avant pour continuer. En même temps, sous ses pieds, le sol déclinait. Elle s'immobilisa, prise d'un doute. Depuis combien de temps marchait-elle? Le tunnel se rétrécissait en hauteur, en largeur, et maintenant une pente. Que devait-elle faire? Continuer? Revenir sur ses pas? Elle éclaira devant elle et vit bien que le tunnel devenait boyau. D'un autre côté, la flamme penchait maintenant presque à l'horizontale. Elle croqua un morceau de carotte et s'accroupit. Tu dois te décider. Tu peux retourner sur tes pas, revenir au trou et attendre qu'on te trouve ou avancer. Oui, je sais, ce n'est pas facile comme décision. J'ai déjà fait un bon bout de chemin, enfin je crois. Tout ça pour rien? Aller droit devant, mais sans savoir ce qu'il y a au bout. Tu t'imagines coincée comme un ver de terre? Surtout que tu n'es pas un ver de terre. Bon, bon, bon, dit-elle haut et fort. J'aime pas avoir fait tous ces efforts pour peau de balle et balai de crin. J'avance. Lorsqu'elle ne put plus se tenir pliée, elle se mit à genoux, ce qui soulagea un peu sa cheville d'ailleurs. Elle avait trop mal aux fesses pour leur en demander davantage. Elle voulait revoir la lumière et Nan. Lorsque même à 4 pattes, il devint impossible d'avancer, elle fut bien obligée de faire un nouveau choix. Tête devant et à plat ventre, ou pied devant et sur le dos, elle décida que tête devant, c'était bien trop risqué. Elle recula avec difficulté pour changer de position. En se contorsionnant comme un orvet, elle finit par se retrouver sur les fesses, encore une fois, pied devant. Elle eut l'idée de glisser l'outre presque vide sous le fessier douloureux en l'attachant solidement à sa taille. Elle reprit sa progression avec angoisse. Le sol devenait plus humide et glissant. Elle pouvait à peine soulever la tête vers la paroi supérieure. Elle plongeait dans l'inconnu. Brutalement, la pente s'inclina fortement et un as se laissa entraîner les pieds devant. Sa descente est raide, son briquet s'éteignit. Elle eut juste le temps de le ranger dans sa poche de devant. Elle tenait l'outre à deux mains tout en prenant de la vitesse. Elle ferma les yeux et... C'était le chapitre 4 d'une aventure extraordinaire de l'auteur Lycaon.